Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Et le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnés, c'est le Phil. Bonjour, Danny. Phil est encore très tôt dans la saison. Par contre, je me mets dans la gang. On a été critique envers Marc Bergevin. C'est sûr qu'il est encore très tôt, encore une fois, dans la saison. Sauf que Bergevin n'avait pas tous les torts. Hein? Puis, à quelque part, on voit les gars travailler plus. Là. Bon, il y a une chose que je pense qu'il faut, faut regarder de près. D'abord, l'équipe. Quand l'an passé, Claude Julien est arrivé là, c'était pas nécessairement son équipe, son image, son style de jeu ou pas. Il est arrivé au milieu de la saison. Je pense que c'était quand même important. Deux, moi j'ai l'impression que le départ de Galchenyuk, le départ de Pacioretty, ils sont pour beaucoup dans ce qu'on appelle l'attitude, c'est le mot qu'a utilisé Marc Bergevin. D'abord, Pacioretty savait pas s'il allait demeurer à Montréal, renouveler son emploi, pas satisfait. Il y avait beaucoup de rumeurs autour de lui. Il a demandé d'être transigé. As-tu remarqué qu'il n'a jamais démenti la nouvelle qu'il avait demandé à plusieurs reprises d'être échangé? Galchenyuk, on connaît sa vie extérieure de la glace qui était très compliquée et que plusieurs de ses coéquipiers réprimandaient. Donc, et là, il est arrivé du sang nouveau à l'intérieur. Une équipe rajeunie, il faut le dire. Puis je regarde le début de saison du Canadien. Ce qui est impressionnant, d'abord, c'est au niveau de l'attitude de plusieurs joueurs, mais c'est plus que ça. C'est que notre défenseur numéro un, Shea Weber, n'est même pas présent sur la glace, alors que l'an passé, on sait très bien qu'en principe, le grand leader de cette équipe-là, le gars qui devait tout drainer cette équipe-là, puis la transaction qui avait été faite il y a quelques années, c'était Weber qui devait être le chef de file de toute l'organisation. Il n'est pas là. Et malgré tout, quand je regarde un peu la façon que le Canadien joue depuis le début de la saison, Petrie joue du bon hockey. La majorité des Mike Riley, c'est une belle surprise. Tu sais, on parle strictement des mauvais coups de Marc Bergevin. On parle pas de ses bons coups qu'il a fait. C'est comme le dépisteur-chef. On réprimandait le dépisteur-chef d'avoir fait de mauvais choix de repêchage. Et rappelons-nous qu'il y a 2 ans, Marc Bergevin a fait des transactions. 2 choix de 2e tour. Là, le dépisteur-chef il a repêché au 5e tour. Normalement, les joueurs qui deviennent des joueurs élites dans la Ligue nationale ne sont pas repêchés au 4e, 5e ou 6e tour. Ils sont dans les 2 premières rondes. Et dans le cas du dépisteur-chef des Canadiens, il n'y a pas eu beaucoup l'occasion de repêcher dans les premières rondes. Les choix qu'il a fait, ceux qui étaient bons, Marc Bergevin les a échangés. Marc Bergevin aussi, comme DG, n'avait pas énormément d'expérience quand il est arrivé de Chicago. Je pense qu'il a commis certaines erreurs, oui. Mais là, il s'est rendu compte qu'il fallait tourner la page. Il fallait aller vers une autre direction. Jusqu'actuellement, je pense qu'il faut donner crédit à Claude Julien, il faut donner crédit à Marc Bergevin. Les changements qu'ils ont faits rapportent des dividendes et la manière que le club se comporte jusqu'actuellement. Écoutez, on a battu Toronto, qui est considéré comme l'une des meilleures équipes, 2 fois Pittsburgh parmi les meilleures équipes. Donc, et moi, ça m'inquiétait la rencontre cette semaine contre Détroit, l'équipe de bas de classement. Peut-être qu'ils vont lever à pédale, ils vont jouer de façon peut-être un peu moins présente. Ça n'a pas été le cas. Les joueurs ont continué au même rythme. Et je trouve qu'ils font bien. Mais il y a une chose qu'il faut regarder. Moi, je pense que l'arrivée de Las Vegas l'an passé, avec une équipe de joueurs qui était un peu rejetée par la majorité des autres équipes, a eu l'effet de dire, sais-tu, il n'y a pas eu du talent qui compte pour performer dans la Ligue nationale. Ça prend des joueurs qui s'impliquent, des joueurs qui appliquent un bon système de jeu et qui mettent l'énergie nécessaire à chaque rencontre. C'est un peu ce qu'on voit avec les Canadiens cette année. Je peux parler de la même chose que les Sénateurs d'Ottawa, que tout le monde disait. La joie, le défenseur qui arrive de nulle part, puis qui écoute. Exact. Ouais. Mais ça, Danny, comme moi, il y en a toujours à quelque part des joueurs qui arrivent comme ça. Tu sais, exemple Tatar. L'année passée, Tatar, il n'a pas joué dans les séries de Las Vegas. Tu le regardes cette année, tu dis comment Las Vegas a pu se permettre de ne pas faire jouer Tatar la manière qu'il joue. Tu sais, on ne connaît pas tout la relation qu'il y a également. Instructeur-joueur. Domi, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, une organisation où il y a de l'ambiance, il y a du système, et qu'il y a un but précis et une ligne directive. Probablement là-bas où il était, Il n'y avait pas ce genre d'équipe-là. Donc, c'est un autre exemple. Moi, je pense qu'on va attendre, comme tu dis, Danny, partons pas en peur, mais les résultats obtenus par le Canadien actuellement sont intéressants, puis tant mieux pour les partisans qui n'avaient aucune attente. Ouais. Là, c'est toujours la facilité. Quand tu n'as pas d'attente de ton équipe, ils performent comme ils le font là, ben, bravo. Tu sais, exemple, à Houston aujourd'hui, au baseball, les gens sont sûrement déçus quand on avait beaucoup d'attentes que les Houston, les Astros, y aillent directement à la Série mondiale. Ouais. Et à Boston, on avait les mêmes attentes. Ça, c'est normal. C'est des équipes championnes, des équipes avec qui ils doivent performer. Mais chez le Canadien de Montréal, on n'a pas ces attentes-là. Les partisans ont des belles surprises. Puis, tout le monde dit, on aime ça les regarder jouer. Ils jouent le pied au fond, tout le temps, à planche. Ça, je pense que les partisans l'apprécient énormément. Hey, Phil, je veux t'emmener. Hier, j'ai écouté Ron Fournier au 98.5 avec Mario Langlois mentionner, puis je veux... écoute, Canadiens, là, quelque part, ils font souvent les... tu sais, ils reviennent souvent dans leur passé, puis à quelque part, c'est... à quelque part, c'est un petit peu énervant. Par contre, Ron Fournier faisait le point, puis je veux t'entendre là-dessus. Il dit, Guy Lafleur, qu'on a vu mercredi au centre de la patinoire, c'est la dernière grande légende. Ron disait, il n'y en a pas d'autres. Moi, je dis que Patrick Roy est pas mal, s'approche de la légende à quelque part. Là. Oui. Mais Patrick n'est pas encore dans le giron du Canadien. Guy Lafleur l'est. Est-ce que tu verrais très bien Guy Lafleur en arrière du banc un petit peu du Canadien comme l'était Jean Béliveau? Non. Non? Non. Je pense que Lafleur, quand tu connais Guy Lafleur, puis je le connais personnellement. Ouais. Parce que... À un certain moment, Guy, où j'avais un restaurant Mike's, et également Lafleur avait un restaurant Mike's. Oui, OK, oui. Il se présentait à plusieurs congrès où il était là, présent. Donc, j'ai eu l'occasion de l'approcher un peu plus, de parler un peu plus. Lafleur est un homme avec des idées bien arrêtées. C'est un gars de principe. C'est un gars également qui ne court pas nécessairement après les honneurs, tu sais, être là, puis être la figure ou pas. Moi, je pense que l'autre soir, quand on l'a mis sur la glace, je pense qu'on a voulu protéger un peu Marc Bergevin par la foule du Centre Bell. Ouais. Parce qu'en se présentant sur la glace sans Guy Lafleur, j'ai l'impression qu'on aurait risqué de voir des huées envers Marc Bergevin puis envers Jeff Molson. Avec Guy Lafleur, ça a atténué cette chose-là. Et Lafleur, c'est un gars également qui veut pas nécessairement avoir une discipline très rigide, de toujours être là, de toujours être présent. Écoutez, Mais Jean Béliveau, il ne cherchait pas nécessairement le style. Non, mais Béliveau était assis derrière. Mais Béliveau, c'est un homme de prestige, un homme de rassembleur. Ce que Lafleur n'est pas. Être présenté, puis d'être là également pour être le représentant. Ce n'est pas nécessairement le style de Guy Lafleur, cette chose-là. Okay. Lafleur n'aime pas bien ça. Et deux, il tient à ses idées, puis il aime ça, les afficher. Quand ça plaise ou pas aux Canadiens, même si c'est ambassadeur, il le dit clairement. Je pense pas que Béliveau ne faisait pas ça. Ouais. Béliveau avait quelque chose à reprocher aux Canadiens. Je suis convaincu qu'il allait s'asseoir avec Ronald Coré ou avec Jeff Molson pour dire, « Hey, moi, là, je pense que vous devriez faire telle affaire et non telle affaire. » Lafleur... Ils sont des médias. Mais il va aller dans les médias, puis il va le dire tout ouvertement, puis il va vivre avec ça. Mais c'est pour ça que je te dis que moi, je pense pas que c'est le genre et le rôle que Lafleur veut jouer. Il veut pas nécessairement être obligé puis attaché à faire ça de façon régulière. OK. Phil, on se reparle vendredi prochain. C'est le commentaire de Phil Gagnon.